Quand mes parents viendront, la vie continuera. Les enfants vont crier pendant que je chanterai. Dans un mois peut-être je serai décédé. En attendant j'enregistre des CD.